Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et en ce réel 15e épisode, pour m'accompagner, mon compagnon de toujours, Renaud Giraldo. Salut Renaud, comment ça va? Bonsoir. Oh. vous avez aussi entendu peut-être des petits rires extérieurs. On vous avait promis un épisode spécial et on a, je crois, réussi à avoir les ingrédients pour avoir un bel épisode aujourd'hui. On n'a pas un, mais deux invités avec nous aujourd'hui, notamment M. Kevin Anctil. Salut Kevin. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, vraiment. Je suis très content de t'avoir parmi nous parce que une des choses qu'on veut faire avec la balado, c'est d'apprendre à connaître les joueurs du Québec, les joueurs qui réussissent à se démarquer sur la scène de Magic. Puis je suis vraiment content d'avoir un nouveau joueur qui s'ajoute à la liste de nos invités. Mais on a aussi un revenant, donc un des personnages qui était là dans un autre épisode. Et c'est nul autre que Philippe Asselin. Salut Phil, ça va? Bonsoir, oui, ça va très bien. Excellent, je suis content de t'avoir parmi nous parce que tu as aussi collaboré au site de façon écrite. Ça, j'étais vraiment content. Puis c'est une des choses qui, j'espère, avec le temps, peut-être on pourra développer. Je te dis ça, Renaud, de même, là, en te lançant des petits clins d'œil. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui touche aussi l'auditoire d'avoir un volet écrit. Puis c'était vraiment un super sujet que tu as écrit, Phil. Fait que merci pour cette collaboration au site. Là. C'était vraiment bien intéressant. Ça fait plaisir. Écoute, je pense que Renaud a contribué à ça aussi. C'est le genre de personne qui est là pour me pousser puis faire que je puisse écrire parce que c'est pas quelque chose que je pense à faire nécessairement tous les jours, mais ouais, ça fait plaisir de faire ça. Super. Sur les 80 likes que notre page a, ben il y a 78 fanboys de Non, mais tu sais, sur notre site internet, ça a été un des articles qui a généré le plus de clics, ton article. Donc c'est super. Là, je pense que c'est quelque chose aide beaucoup de joueurs parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu en anglais de Magic. Il y a vraiment il y a plein de titres qui offrent ça, mais en français, pour le Québec, je veux dire, il y en a en France, mais c'est pas pareil, c'est pas la même approche. Puis honnêtement, je trouve que c'est vraiment un besoin qu'on a, en plus évidemment de la balado, d'avoir un volet écrit. Puis ben tant mieux si on peut le développer. Assez de chauvinisme, passons aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses. L'épisode d'aujourd'hui, pour le. On va évidemment faire un petit volet entrevue avec Kevin, puis je pense qu'on va commencer avec ça. Donc, Kevin, moi, on ne se connaît pas personnellement, donc je vais me servir de l'épisode en même temps pour apprendre à te découvrir comme joueur. Mais en gros, là, si tu pouvais me dire les grosses bases, là, d'où tu viens, puis Magic s'est entré comment dans ta vie, puis t'en es rendu où un peu? Mettons qu'on prend le début de Magic, puis on arrive à un point qui est pour toi le point le plus important de ta carrière Magic, disons. Fait qu'on commence avec les tout débuts, puis peut-être déjà nous donner un des faits saillants de ta carrière Magic. Ben oui, pourquoi pas, ça me fait plaisir. Moi, j'ai commencé à jouer à Magic, je te dirais, dans le temps d'Onslaught. Je devais avoir 8 ans, okay, dans ce temps-là. J'étais okay, un gars de Saguenay. Je jouais avec mon ami, son père avait une grosse collection vintage. On jouait avec des mocks, sleevés, pas sleevés. On savait pas trop comment jouer. C'était un jeu plus pour le fun à ce moment-là. Puis, tu sais, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Quand j'étais un peu plus jeune, disons au début du secondaire, je déménageais à Québec. Puis, je jouais plus vraiment au jeu. Je recommençais à jouer un peu avec des amis au secondaire, on and off un peu. S'achetait des boosters dans des Vidéotron, tout ça. Mais quand vraiment j'ai commencé à jouer plus sérieusement, c'était au cégep. Au cégep de Limoilou, j'étais dans le club de jeux de rôle. Puis là, ça jouait un peu à Donjons Dragons, etc. Puis il y a des gens qui jouaient un peu à Magic. Puis je me rappelais, je connais ça, ce jeu-là. Je cherchais un petit peu dans mes vieilles boîtes du Saguenay. Trouvais mon deck, commençais à jouer avec les gars. C'est là que j'ai découvert mon local shop, si on veut. Dans le fond, La boutique locale. Ouais, ma boutique donjon. Dans le fond, c'est... maintenant, j'y travaille, en fait. Ah ouais, OK. Puis... avec Pascal Ménard, me semble, c'est ça? Oui, tout à fait. Non? Ouais, okay. Donc, j'ai découvert le donjon. J'ai découvert qu'il y avait une scène plus compétitive que ce que je pensais au début. Tu sais, c'était un jeu de cartes. Ça faisait longtemps que ça existait, mais je connaissais pas tout l'aspect compétitif du jeu. Quand j'ai commencé à aller au donjon, c'est là que, justement, j'ai eu mon turning point. C'était dans le temps de Zendikar. Puis, je commençais à connaître un peu les gars. Je draftais, je jouais standard. Je connaissais le format, mais sans plus. Je connaissais pas la scène proto ou quoi que ce soit. Je connaissais rien de tout ça. Puis j'ai pogné un article sur Facebook à un moment donné qui parlait des Nationals, c'était les Nationals 2010. Puis là, j'ai vu, dans le top 8 des Nationals, il y avait un nom que je reconnaissais, deux noms que je reconnaissais, il y avait Pascal Ménard, Benoît Desrosiers. Mm-hmm. Je connaissais, j'avais déjà vu ces gars-là, je connaissais un peu leur nom de par le donjon, justement. J'ai cliqué sur. J'ai cliqué, j'ai regardé un peu, j'ai vu Pro Tour, j'ai lu un peu là-dessus, puis depuis ce temps-là, I'm hooked up, comme ils disent. Ok, ouais, fait que t'as vraiment. T'as découvert la scène ultra compétitive, le plus haut niveau de Magic, puis là, t'as voulu. Tu t'es vu. Ok, moi, c'est là que je veux me rendre, fait que tu t'es mis à travailler pour te rendre là. J'ai un gars très compétitif dans ce que je fais, puis j'aime ça pouvoir me mesurer au meilleur. Je ne prétends pas être le meilleur ou super excellent, mais j'aime ça pouvoir apprendre. Puis je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est jouer contre du monde qui sont meilleurs que toi. Ah, Puis c'est j'avais clair. accès à ça quand, justement, au donjon ou quand je commençais à jouer dans des PTQ à Montréal, tout ça. Genre, je savais que j'étais vraiment pas bon, puis je savais que ceux-là étaient vraiment meilleurs, donc je voulais jouer contre ces gens-là. OK. Puis justement, ben, je vais profiter de ça. Toi, dans le fond, quand tu as commencé à vraiment sentir que tu voulais jouer plus compétitif, que tu t'es mis à jouer contre des joueurs que tu savais qui étaient meilleurs que toi, mais dans le fond, ton attitude, c'était je veux juste apprendre, je vais faire des erreurs, mais je veux apprendre de mes erreurs puis avancer de ça. Dans le fond, c'est ça que je comprends de ton attitude. Puis ça, honnêtement, moi, j'ai l'impression que c'est ça la meilleure attitude à avoir, c'est que chaque match est une occasion d'apprendre de ses erreurs. Puis là, peut-être j'extrapole trop, mais de ce que tu me dis, c'est un peu ça. Finalement, tu t'es mesuré à des meilleurs joueurs que toi, puis tu as appris de ça, finalement. Tout à fait d'accord. C'est vraiment comme ça que je voyais ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Si tu veux prendre, peut-être pas Magic un peu plus sérieusement, mais si tu veux prendre, t'sais, quand tu veux être compétitif dans quoi que ce soit, tu peux pas dire je pense que je suis meilleur ou je pense que je suis bon, puis genre expecter que ça va, que tu vas juste gagner le tournoi. Il faut que tu arrives en disant je vais apprendre de mes erreurs. Si je fais une grosse erreur qui me perd une game, je vais pas être fâché après mon adversaire ou fâché après quoi que ce soit. Je vais être fâché après moi, canaliser ça, puis moi essayer de plus la refaire. Il y a des erreurs que tu fais seulement une fois à Magic, je les ai toutes faites, puis maintenant je le fais plus. C'est ce qui est important. Puis une fois que tu as commencé à devenir plus compétitif, à t'intéresser à la scène compétitive, ça a été quoi, peut-être, mettons, quelques faits marquants du début de ta carrière de joueur? J'ai commencé à faire des PTQ à Montréal, Ottawa, tout ça. Je voyageais beaucoup avec les mêmes personnes. Souvent, c'était Pascal Ménard, Philippe Garreau. C'était beaucoup nous trois, éventuellement Alex Rochette aussi. Donc, on a commencé à faire des PTQ un peu. Le fait marquant, ça a été mon premier top 8 de PTQ. C'était, je sais pas ça fait combien de temps, mais c'était le format moderne venait juste de commencer à exister. Ou en tout cas, c'est mon premier top 8 que je me rappelle. Puis, je me suis rendu en finale de ce top 8-là. Tout allait super bien. Puis, en finale, justement, j'ai joué contre un bon joueur canadien, Dan Lantier, qui est justement on a streak un petit peu cette année. Ça va super bien, lui, ses affaires. Ouais, on voit son nom sortir pas mal, ouais. Puis j'étais up a game, c'était game 2. J'étais sûr que j'allais gagner cette game-là, ça allait bien. Je jouais le début de Splinter Twin. Je pense que Pandora Prardin, ça venait juste d'être banni. Puis il se tap out au tour 2. Moi, j'ai mon combo en main. C'était moi qui étais underplay, donc j'avais 3 lanes en jeu. Puis je me dis, ok, je gagne, c'est là que je m'en vais au Pro Tour, tout va bien aller. C'était en 2012 Pro Tour Barcelone, je pense. Puis pour. Je sais pas ce qui est arrivé, mais finalement, j'ai joué d'une manière où. En fait, j'avais la game et j'ai joué d'une manière où lui pouvait juste ne plus perdre à partir de là. J'ai fait une grosse, grosse erreur. Pas expliqué en détail. Puis c'est à partir de là quand j'ai manqué ma première opportunité de me qualifier au Pro Tour. Je me suis dit, je suis capable de me rendre là. Faut juste plus que je fasse ces erreurs-là. J'ai décidé de vraiment essayer de focusser un peu plus Puis là, là-dessus. tu as réussi ensuite à te qualifier pour le premier Pro Tour. Donc, c'est dans l'année 2012 aussi, je pense. Est-ce que c'est... Mon PTQ que j'ai gagné, c'était décembre 2013. Donc, ça c'est arrivé, je pense, en 2012. Ça faisait peut-être un an que je commençais à faire des tournois ou tout ça. J'ai fait beaucoup de top 8 de PTQ, beaucoup de hit and miss. J'ai perdu en finale quelques fois. Beaucoup de mes amis me disaient, t'es le gars qui perd tout le temps en finale, ça va vraiment pas bien, tes affaires. Puis, tu perds en finale d'un PTQ, je pense pas qu'il y ait de pire feeling que ça là-dessus. Je pense que Philippe peut confirmer. Phil perd dans un final de PTQ. Ben, ça m'est rarement arrivé, en fait. J'ai fait beaucoup de top 8, une couple de top 4, mais ma première finale, je l'ai gagnée. Fait que j'ai jamais vraiment eu comme ça. Ça reste le pire ça feeling. Doit. Mais c'est ça, puis ben ça, c'est une affaire, dans par exemple. Liste, là, dans la liste, là, numéro 1, pire feeling, perdre en finale de PTQ. Numéro 2, perdre en bubble match round 9 de JP. T'as tout fini le tournoi, il te donne genre 3 boîtes. À un moment donné, j'ai gagné une caisse, je pense, 6 boîtes de boosters. Je voulais les brûler. Ouais, mais c'est ça. Mais sauf que ça montre que c'est ça l'affaire. La difficulté qu'il y avait avec l'ancienne formule, c'était ça, c'est qu'il fallait que tu gagnes un événement pour te qualifier. Puis honnêtement, même les meilleurs, là, je me rappelle, Patrick Chapin avait, je pense, jamais gagné de grands événements de Magic, puis il était déjà au Hall of Fame de Magic, parce que gagner en tant que tel, l'événement au complet, c'est pas facile, là. Tandis que justement, je trouve que la notion de top 8, ça, c'est plus parlant, ça montre que le joueur est régulier, qui est capable de se rendre dans les 8 meilleurs de tournoi de façon régulière, mais de gagner en tant que tel, c'est pas évident. Fait que toi, c'est quel PTQ que t'as fini par gagner de... pour te qualifier à quel Pro Tour, finalement? C'était à Montréal, c'était un PTQ sealed pour Terros, okay. Pour Pro Tour Born of the God, donc c'était 6 fois Terros. Mm-hmm. Puis j'ai réussi à gagner ce tournoi-là, on était, je pense, 170 environ. J'ai justement joué contre Dan Lantier en top 4, j'ai réussi à gagner. Okay. Puis je dirais, pendant tout le top 8, je chantais que c'était ma journée, je chantais que ça allait bien cette fois-là. J'étais end zone, donc il y a eu le draft dans le top 8, j'ai drafté un deck que je pensais correct. Peut-être qu'il était capable de gagner. J'avais une bombe ou deux. Mm-hmm. Puis, I just got there. Donc, j'ai réussi à gagner. Là, tu t'es classé. C'était assez incroyable comme feeling. Ouais, ça devait. Puis, c'est surtout... ce PTQ-là que numéro 3, pire feeling, finir numéro 9. Finir 9e. Ouais, je pense que ça allait bien, tes affaires, tout ça. J'ai réussi à gagner ça. Puis, c'était gros pour moi parce qu'en plus, Pro Tour Burn of the God, c'était à Valence. C'était en Espagne. J'avais jamais eu l'occasion encore d'aller jouer à Magic en Europe. Puis c'est quelque chose que je voulais faire. Maintenant, j'ai presque été partout dans le monde, sauf en Asie, genre pour jouer à Magic. Puis c'est ce qui me garde dans le jeu après encore toutes ces années-là, c'est le fait de pouvoir voir des amis que je vois un peu partout dans le monde, seulement une fois ou deux par 3 mois, par 5 mois. Mm-hmm. Mais tu sais, t'es voué, puis t'as des super. T'as des bonnes. Des memories. Ouais, des bonnes. T'as des souvenirs. Des bons souvenirs. Et je vais profiter de ça pour aller. Entrer fil dans tout ça parce que il y a un peu un point en commun que vous avez, les gars. Ben, les deux, vous êtes qualifiés pour un Pro Tour. Les deux, c'était en Europe. Kevin, c'était à Valence. Phil, c'était à Bruxelles. Et les deux, vous avez quand même très bien fait pour votre premier Pro Tour. Kevin, raconte-nous un peu là, qu'est-ce qui t'est arrivé au Pro Tour, parce que moi, j'ai juste vu les résultats quand j'ai fait un peu de recherche, évidemment, avant l'épisode. Puis j'ai bien vu que tu t'étais classé dans le top 25. Dans ton premier Pro Tour, raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé ou comment tu as vécu ça. Puis Phil, peut-être aussi, j'aimerais ça que ça devienne peut-être une discussion sur ça a l'air de quoi une première expérience dans un Pro Tour, comment tu te sens, comment ça se vit, c'est quoi les émotions qu'on peut avoir là-dedans. Fait que Phil, gêne-toi pas pour entrer dans la discussion avec Kevin. Fait que peut-être qu'on commence avec Kevin, puis on verra où est-ce que ça nous mène tout ça. Mais toi, quand tu es arrivé à ton premier Pro Tour, comment ça s'est déroulé? Avec les grandes lignes, moi j'ai réussi à me qualifier. La première chose que j'ai fait quand j'ai réussi à me qualifier, c'est que j'ai cherché, parce que je pense que c'est un gros avantage sur un Pro Tour, j'ai cherché une team de gens qui étaient qualifiés dans mes amis que je connaissais, mais je connais beaucoup d'Américains, des gens qui n'avaient pas encore d'équipe pour se préparer, parce que je pense que se préparer pour un tournoi, rester comme clos avec un groupe de peut-être 10 personnes, c'est une des meilleures manières de le faire, comme ça, il n'y a pas d'informations qui sortent ou qui rentrent, ou t'essayes d'acquérir des informations sur d'autres teams si t'es capable. Donc moi, j'ai joint comme une nouvelle team pour ce Pro Tour-là. C'était un team Doge. C'était un nom un peu drôle, en fait. Puis c'était, dans le fond, une gang de gars qui venaient de gagner leur premier PTQ, qui avaient fait un ou deux Pro Tours ou trois Pro Tours. Donc on avait peut-être pas la plus d'expérience. Il y avait avec nous Christian Calcano, qui était dans notre équipe. Puis lui, c'était clairement le gars qui a le plus d'expérience, fait que j'ai appris beaucoup de ce gars-là, puis je l'adore, j'aime ça encore avoir du fun avec. Donc, vient la journée du Pro Tour, je décide de jouer Green-White Enchantement, Boggle, que le monde appelle. Il y a beaucoup de monde qui aime pas ce deck-là parce qu'ils trouvent que c'est un deck qui est pas vraiment skill-intensive, puis que genre, ça joue un peu tout seul. Je suis pas tout à fait en désaccord avec ça. La raison pourquoi j'ai joué le deck, c'est parce qu'après avoir testé pendant une semaine, je pensais que c'était le deck qui me donnait la meilleure chance de gagner. C'était le proto où Wild Nakatal venait juste d'être unban. On pensait qu'il allait avoir beaucoup de zoo. On pensait qu'il allait avoir beaucoup de decks qui allaient vouloir détruire zoo. Puis tous ces match-ups-là, je trouvais qu'ils étaient excellents pour le deck d'enchantement. Donc j'ai décidé d'y aller avec ce deck-là. Donc je pense que le skill venait pas tant du deck, mais venait plus du deck choice rendu là. Ouais, puis écoute, je prends la peine de faire une petite parenthèse parce que là, toi, tu nous dis que le choix de ton deck pour le Pro Tour, ça a été vraiment une espèce d'analyse de la metagame. Je voulais juste demander, toi, Phil, pour le Pro Tour, est-ce que tu as eu un peu la même affaire d'essayer de prévoir qu'est-ce qu'il va avoir comme deck puis de choisir quelque chose en conséquence, ou toi, tu es plus allé à construire un deck que tu étais confortable? Comment s'est fait, toi, ton choix de deck? Ben, c'est sûr qu'optimalement, on veut quelque chose qui va être capable de battre ce qu'on pense qui va être la metagame, ce qui va être le plus comme représenté. Mais ce qui se passait avec nous, c'est qu'on était comme un groupe de 5 personnes clos. Puis on s'est beaucoup comme questionné sur la metagame qui était en fait très très mûre, parce que ça reste que c'est la metagame pour Dragons of Tarkir. Il y avait quand même 6-7 de bien ancré là, dans la metagame standard. Puis standard, c'est tout le temps plus volatile que moderne, mais quand même. Moi, c'était moderne, il venait d'avoir des unbannings. Ouais, c'est ça. Parce que moderne, souvent, c'est comme plus stable, sauf qu'avec des unbanned, ben là, tu vois qu'il y a comme plus de comme chamboulement. Mais tout ça pour dire, c'est que la metagame était quand même assez ferme. Puis. Au final, on aurait essayé de trouver comme un meilleur deck, puis on n'était pas capable. Fait que moi, je suis vraiment allé pour le deck avec lequel je me sentais le plus à l'aise. Pas un deck qui était facile à jouer, mais juste un deck que je me sentais comme plus à l'aise de jouer, puis que je savais que je pouvais faire comme un bon score avec. Puis c'est ça, je pense, qui m'a aidé. Là. Donc, finalement, mon Pro Tour... Ma premier objectif au Pro Tour, tout le monde dit souvent, quand c'est ton premier Pro Tour, essaye de faire la deuxième journée, essaye de faire un score correct. Ouais. C'est là où tu vas apprendre le plus. Okay. Que jouer sur le Pro Tour, c'est pas comme jouer une game de Magic normale. La pression, tout est intense. Ouais, ça doit. C'est assez incroyable. Puis ma première journée, pour faire des tours, il faut que tu fasses 4-4. C'est exactement ce que j'ai fait. Okay. Donc, 4-4, tu ne peux déjà plus faire top 8. Okay. Puis, tu sais, je regardais ça dans cette optique-là, j'étais déçu, je fais des tours, mais c'est 4-4, tout le monde matin me disait, c'est déjà assez incroyable que tu fasses des tours à ton premier Pro Tour, genre, demain, prends ça, relax, il n'y a pas de problème, tu sais, t'as pas de pression, fais juste t'amuser, puis apprends, parce que c'est là que t'apprends le plus. Ouais. Puis la deuxième journée, je me sentais dans la zone, super focus, le Pro Tour commence par 3 rounds de draft, j'ai drafté un des meilleurs decks que j'ai jamais drafté dans Burns of the Gods, il y avait 2 Fleecemane Lion dedans. Solide. j'ai fait 3-0 le draft, j'ai dit je peux peut-être le faire. Dans ce temps-là, maintenant c'est X5 qu'il faut que tu fasses un Pro Tour pour te qualifier à l'autre d'après. Okay. Dans ce temps-là, c'était X4 et une nulle. Okay. Donc moi j'avais déjà 4 défaites, je ne pouvais plus perdre. Donc j'arrive dans les rounds construits, je fais 4-0. T'es-tu sérieux? Je fais 4-0. Je suis sûr que d'habitude, tout le monde draw in la dernière ronde quand tu peux plus faire top 8 pour finir dans le top 25. Je joue probablement contre le seul pro qui est encore live dans ce score-là. Mm-hmm. Et lui, il ne veut pas drawer avec moi. Okay. Donc, c'est la fin du monde pour moi. Il joue un de mes pires match-ups en plus. Je me suis rendu là, puis là, ça arrive. C'est fou. À peu près les 5 tables à ma gauche et 5 tables à ma droite, tout le monde était en train de faire une nulle. On était les seuls qui ne nullaient pas. Ouais, ouais. Ça me tombe sur moi. Puis finalement, le gars, il a mulligané. J'ai réussi à gagner game 1. Il m'avait dit que si je gagnais game 1, il allait m'offrir la nulle. Finalement, il est pas sûr. Il mulligane, il m'offre la nulle. Puis j'ai évidemment beaucoup trop... c'est pas un bon match-up pour moi. Je vais pas prendre la chance de perdre ça. Parce que toi, c'est le même résultat. Là, fait. Moi, c'est la victoire ou défaite, c'est le même résultat. Pour lui, c'était un pro point de plus. C'était peut-être un peu relevant pour lui. Moi, ça l'était vraiment pas. Ça me qualifiait au prochain pro tour. Ça me donnait billet d'avion et tout ça. Yeah, fait qu'avec ta nulle, tu t'es qualifié automatiquement pour le prochain pro tour. X4-1, donc j'ai fait 4-4 la première journée, 7-0-1 la deuxième journée. J'étais assez content. Ah, wow. C'est vraiment une belle histoire, ça. Puis tout ça, un premier pro tour. Puis t'en étais à combien d'années de Magic compétitif? T'as dit que t'étais plutôt en 2010. Fait qu'un bon 3 ans de Magic compétitif. Ou est-ce que là, t'étais. J'ai commencé à jouer, disons, un peu mieux dans le temps de Zendikar, compétitivement, où j'ai commencé à faire beaucoup de PTQ, disons, vers la fin de Scars of Mirrodin. Mm-hmm. Et à partir de là, je faisais beaucoup de Grand Prix et beaucoup de PTQ, donc ça a été pas mal non-stop à partir de là. Donc, je dirais 2011, j'ai gagné mon Pro Tour Qualifier fin 2013, donc peut-être à peu près 2 ans. Okay. Donc, j'ai réussi à me prêter pour me qualifier au Pro Tour. Excellent. Puis, là, depuis ce temps-là, ensuite, le Pro Tour d'après, c'est-tu comme au hockey, quand tu fais, mettons, ta première année vraiment bonne, ta deuxième est plus dure à Magic, c'est quand ton premier Pro Tour, t'en fais un, le deuxième est plus dur? Pour le deuxième, j'ai pas pris ça de la même manière. C'était un Pro Tour bloc. Okay. J'avais pas vraiment de team. J'ai été avec des gens de Québec qui étaient qualifiés. Alex Rochette, Jonathan Saint-Martin, c'était deux de mes amis. Ils venaient de se qualifier, eux, à leur premier Pro Tour. T'sais, moi, j'avais pas nécessairement plus d'expérience qu'eux autres, mais j'avais déjà l'expérience d'un proto. J'ai décidé d'y aller avec eux. Okay. On a testé, mais on n'a pas nécessairement trouvé le meilleur deck. Dans le temps, proto bloc, là, ouais. Pour ceux qui sont pas familiers, c'était seulement un format construit qui était seulement un format de proto et sur Magic Online. Mm-hmm. C'est un format où c'est les trois sets du bloc. Dans ce temps, donc là, c'était Theros, Burn of the God, Journey into Nyx. Tu n'as pas accès aux cartes de corset, tu n'as pas accès à des trucs. C'est un format beaucoup plus dur à percer dedans. Mm-hmm. Puis il m'est arrivé ce qui aurait probablement dû m'arriver à mon premier proto. Je n'ai pas eu de match win. J'ai eu quelques game win, okay. Mais sans plus. La même chose que Reed Duke, finalement. Je pense à son premier proto, ouais, aussi. Il a comme fait 0-5. Quelque chose comme ça. Mm. Puis, j'étais déçu, mais en même temps, j'ai eu une bonne run avec le proto d'avant. Ouais, ouais. Je venais de cacher un grand prix. J'étais vraiment proche avec mon top 25 de faire silver cette année-là. Les pro level, tout ça, ouais. Donc j'étais quand même proche de me qualifier un autre pro tour. Finalement, l'année passée, je l'ai fini à 3 pro points de pouvoir faire silver et pouvoir chainer ensemble 2-3 pro tours, peut-être même. Mais... Ah ouais, donc là, hein. I'm on the hunt again, j'essaie de me requalifier. Ok. C'est ça qui est pas c'est ingrat. Dans le fond, explique-nous là, un peu comment ça fonctionne, au sens où là, tu dis pendant une année, bon, tu fais des grands prix, tu fais des événements, tu accumules des pro points, dans le fond, des points, mm-hmm, professionnels, et à un certain nombre de points, tu atteins un statut de joueur, dans le fond. Tout à fait. Et peut-être... Il y a trois statuts. Ouais, vas-y. Ouais. Il y a trois statuts, il y a Silver, Gold, Platinum. Mm-hmm. Silver, c'est 20 pro points. Gold, c'est 30, Platinum, c'est... Gold, c'est 35, Platinum, c'est 45, je sais pas. Okay. Ces deux-là, je suis pas sûr. C'est pas grave pour les points, mais bon, t'atteins des niveaux, ouais. Mais bref, c'est vraiment pas facile à accumuler des pro points. La meilleure manière d'accumuler des pro points, c'est sur le proto. C'est l'événement qui en donne le plus. Mm-hmm. Donc, pour pouvoir commencer à chainer des pro tours ensemble, faut déjà que tu sois qualifié au pro tour. Parce que les grands prix, ça donne un nombre de pro points assez dérisoire. Gagner un grand prix, ça en donne 8. Okay, gagner, ouais, un pro tour, ça en donne 30. Ouais, ouais, okay, ouais. Donc, c'est moi, juste en faisant mon top 25 de pro tour, ça m'avait donné 10 pro points. Okay, ouais. Ça me donnait 3 pro non, c'est ça, 10. Ça me donnait 3 pro points. Juste show up un proto, mm-hmm, genre juste dire hey, salut. Quand je t'es là, t'as 3 ben, de gens partant. Ouais. Puis ensuite, t'en as eu 7 pour avoir fait le top 25. Fait que t'en as eu plus que si t'avais gagné un grand prix, finalement. Exactement. Okay. Donc, je vais pas avoir la prétention que faire le top 25 d'un proto, c'est comme gagner un grand prix, mais c'est deux choses différentes, ouais, proto, ouais, et grand, ouais, prix. Donc, rendu là, j'avais beaucoup plus envie de faire plus de grands prix parce que j'étais proche d'atteindre le nombre de pro points nécessaires pour me qualifier silver. Mm-hmm. Silver, ce que ça donne, c'est une invitation au prochain pro tour que tu n'es pas qualifié, okay, plus une invitation au premier pro tour de la saison d'après. Okay. Donc pour moi, c'était comme deux invitations de suite. Ça ne vient pas avec billet d'avion. Okay. Tandis que Gold, ça t'invite à tous les pro tours de cette année-là avec billet d'avion. Okay. Mais c'est beaucoup plus dur à atteindre. Ouais, ouais, mais bonne différence. Et Platinum, il y a peut-être 15 joueurs dans le monde qui sont Platinum. Faut que tu fasses une performance incroyable sur au pro tour level rendu là. Ouais, ouais, ouais. OK, fait quand même, mais c'est déjà si t'es qualifié ensuite là, le billet d'avion tout ça, ben là tu décides de l'entrer dans. Ouais, pour les pro tours, ça vaut la peine. Ouais, ça doit là, quand même, ça doit être des belles expériences. Justement, tu tu voyages, tu joues à Magic, tu rencontres du monde, ou si t'es avec des gens que tu connais, parce que ça c'est une chose dont on a parlé la semaine passée, Renaud, et là que toi aussi même à un niveau même compétitif, tout le au niveau professionnel, je veux dire, tout l'aspect quand même social, le fait de côtoyer des gens qui sont soit dans un cercle d'amis ou même juste de côtoyer d'autres joueurs qui ont un niveau exceptionnel avec lesquels tu peux échanger et tout ça, ça fait vraiment partie de Magic comme jeu, je pense. Tout l'aspect de communauté, finalement. Puis c'est intéressant de t'entendre parler de ça, le fait que quand même tes expériences au Pro Tour ont quand même été des expériences d'équipe aussi en même temps. Puis là, est-ce qu'en ce moment, t'es dans une équipe de Magic ou non? Étant donné que je suis pas qualifié au Pro Tour, je suis pas dans une équipe en proprement parler. Ouais, ouais. Mais tu sais, pour des. On voit des événements, on voit des grands prix souvent. Mm-hmm. Je teste avec les gars locaux, Pascal Ménard, un gars de Québec qui travaille à la même boutique que moi. Ouais. Philippe Garou qui travaille à l'Imaginaire. On a une scène de bons joueurs super compétitifs à Québec et on teste ensemble. Mm-hmm. Maintenant, il y a juste Pascal qui est qualifié au Pro Tour. Dans les gars de Québec, il y a Nicolas Lahi qui vient juste de se qualifier. Okay. Donc, avant les pro-tours, on se monte comme une semaine ou deux. Ensemble, les gars, on teste, on draft pas mal. On essaie de faire des conclusions sur le format avant que Pascal y parte. Okay. C'est un peu ce qu'on faisait dans le temps que moi, j'étais qualifié et que Pascal ne l'était pas. Ouais, ouais. Mais tu sais, une team, à proprement dit, pas officiellement, okay, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je rechercherais à ravoir si je me requalifierais au proto. OK. Excellent. Ben écoute, merci Kevin de ça. Puis mettons, pour fermer un peu l'entrevue puis de passer dans l'autre section de l'épisode, ce serait quoi peut-être tes projets pour l'année qui s'en viennent? C'est quoi tes objectifs Magic? Vers quoi tu t'en vas? C'est quoi que tu as fait dernièrement peut-être qui va te permettre de continuer d'avancer? Dernièrement, je n'étais pas qualifié au dernier régional PPTQ, okay. Mais le premier PPTQ, le premier Premier Liberty Pro Tour Qualifier de cette saison-ci à Sherbrooke, je l'ai gagné. Okay. Ça donnait un billet d'avion pour Las Vegas, oh, si oui. Vous voulez attirer beaucoup de monde. Voilà. Salaud. Donc, ouais, j'étais à Sherbrooke, j'aurais volé leur billet d'avion. Donc Las Vegas, c'est dans 2 semaines. C'est mon projet immédiat, essayer de... Yeah. À un grand prix pour te qualifier, il faut que tu fasses X2 au mieux. Donc, c'est sur 15 rondes, il faut que tu fasses 13 victoires, 2 défaites. Ouais, ce serait évidemment mon objectif à Las Vegas, mais c'est Las Vegas, je vais essayer d'avoir du fun plus que d'autres choses. Puis c'est officiel là, que ça va être 2 grands prix, hein, dans le fond. Oui, ça va être 2 grands prix. Ouais, c'est fou. Là, ça va être vraiment donc, 2 grands prix, il va y avoir 2 gagnants. Ça va être incroyable. Ouais. Donc, je vais aller là. Probablement que mon prochain événement après ça, ça va être le Régional Pro Tour Qualifier pour lequel je suis qualifié ou je vais, si je suis toujours pas qualifié au Pro Tour à ce moment-là. Espérons que ce ne sera pas le cas, mais je vais essayer de me qualifier là. Ça va être 2 Grands Prix en même temps? Oui, ça va être 2 événements séparés parce qu'ils ont atteint, je pense qu'ils sont à 7. À partir de en haut de 5000, ils décidaient de splitter puis faire 2 Grands Prix ouais. Avec 2 projecteurs différents, 2 D2, ouais. Etc. Ah ouais. C'était ouais, malade. Ouais, ça va être vraiment fou. Là. Puis ils espèrent, ça, là j'ai pas tenu le compte, là, mais ils espéraient se rendre à autour de 8000 joueurs. Là. Fait que ça ferait 2 Grands Prix de 4000 joueurs. Ouais, ça va être ça, c'est complètement ridicule. C'est complètement fou. Mais on reviendra à ça parce que ça va être, je pense que c'est un sujet, ça tombe justement très bien parce que Modern Masters 2 est à nos portes. Puis c'est un format qui, au-delà d'être une espèce de chasse au trésor pour ouvrir des boosters puis repayer ton hypothèque avec ça, ça reste que c'est un format de draft dans le fond. Puis c'est un format qui peut être vraiment intéressant à jouer. Et on pourrait essayer de voir un peu c'est quoi ta vision de ce format-là. Mais avant, j'aimerais ça peut-être que... qu'on parle un peu avec Phil, parce que toi, Phil, t'as passé un peu par le même chemin que Kevin, au sens où tu t'es qualifié pour un Pro Tour, qui était tout récemment à Bruxelles. T'es arrivé là-bas, puis t'as fait quand même une bonne performance. Fait que j'aimerais ça un peu voir, toi aussi, si tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé pour toi là-bas, puis peut-être faire des liens avec ce qu'on a entendu là, sur c'est quoi une première expérience au Pro Tour. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, ben, pour moi, comme pour Kevin, ce qui était vraiment bien, c'est que justement, ça se passait... à des moments où je pense qu'on était assez bon dans comme dans le jeu pour pouvoir dire qu'on avait une chance de compétitionner avec les gens qui vont d'habitude sur le Pro Tour. Non seulement ça, mais c'est ça. Fait qu'on s'est qualifié. On est quand même chanceux parce que tu sais comme il disait lui, c'était en Espagne, moi c'était à Bruxelles. C'était pas ouais. Des petits Pro Tours qui étaient comme aux États-Unis où est-ce que tu sais c'est pas exotique comme location. C'est déjà c'est juste comme plaisant. C'est pas autant glorieux. C'est ça. Ouais, ouais. Fait que là, ouais, c'est ouais. Quand même cool justement de se rendre à Bruxelles. Ça, comme ça te dépayse, mais en même temps, c'est comme plus intéressant. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est justement ça. C'est comme d'arriver. C'est vrai que Hawaï, c'est pas aux États-Unis. C'est sûr qu'Hawaï, c'est comme une exception. Là. C'est le genre de place ouais, que tu veux ouais. Vraiment te qualifier, mais en tout cas, c'est une autre, ouais. Une autre affaire. C'est pour Alerta. Mais c'est ça. Fait que je suis comme arrivé là, puis on a pratiqué dans un groupe fermé, dans une maison qu'on avait louée pendant comme 5 jours pour le Pro Tour. Puis on a joué pas mal. C'est sûr que moi, ce que je regrette le plus, c'est peut-être d'avoir peu autant d'expérience en draft que j'aurais voulu. Ouais, okay. Mais ça, c'est autre chose. De toute façon, c'est le draft, c'est tout le temps un petit peu... c'est plus comme solitaire comme expérience, fait que c'est correct. Mais c'est ouais, ça. Ouais. Fait que j'ai fait quand même 3-3 dans mes 2 journées pour ce qui est du draft. Pour ce qui est construit, okay. C'était quand même bien passé. Là. J'ai fait X3. Fait que ouais. C'est quand même super. Mais c'est surtout ça. C'est surtout dire que je suis comme arrivé là puis que je me sentais pas moins bon que les autres joueurs qui s'étaient comme qualifiés là. Puis de juste jouer, puis de jouer comme à Magic comme n'importe quand. Puis t'as gagné ou perdre, puis que c'était pas. Je me sentais pas comme un intrus. C'est vraiment ça qui était vraiment cool. Tu t'es senti à ta place parmi l'élite des joueurs de Magic, puis ça doit être quand même, j'avoue, un feeling vraiment. Ben c'est ça, je veux dire. Comme je dis pas ça pour me sentir supérieur à comme qui que ce soit. Ben non, mais non. C'est pas comme ça comme que je me sens, mais c'est vraiment cool de justement dire que t'es rendu à un certain niveau où est-ce que t'as comme plus peur de jouer contre n'importe qui parce que tu sais que le jeu c'est comme un jeu, puis que tu as tellement joué que. C'est pas épeurant, là. Fait que c'est ouais, ça, tu sais. J'étais avec Phil là-dessus. Mais c'est ça. Fait que jour 1, j'ai fait un petit peu mieux que Kevin. J'ai fait comme 5-3 à mon premier tour. J'étais quand même content de faire comme jour 2. Moi, c'est vraiment tout ce que je voulais. Parce que, tu sais, on a vu comme beaucoup d'histoires de gens comme de l'Estrie qui ont fait le proto puis qui n'étaient pas passés comme jour 2. Okay. c'est pas pour les dénigrer, c'est juste que j'étais content justement de pouvoir comme continuer de jouer parce que c'est ça qui ben était oui. vraiment pile comme plaisant, c'est pour ça qu'on est allé là. C'est pas pour les dénigrer, à part Nicolas Bellin. C'est ça. Shots fired, monsieur Bellin. Mais c'est ça. Fait que c'était pour jouer à Magic, puis j'ai pu ben jouer oui. Durant le jour 2. J'étais super content pour ça. C'est sûr que durant mon draft de la deuxième journée, c'était pas full fou. J'ai fait 1-2. Puis, yeah. Puis par après, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que j'ai continué de jouer standard, puis mes 4 premières rondes, je les ai gagnées. Donc, okay, ouais, ça s'est bien passé. Et, ouais, c'est ça qui est. Pro Tour, le fait que ça soit un format mixte, là, c'est, ça amène le niveau de difficulté vraiment élevé. Puis la préparation à un draft, comme tu dis, ça doit pas être évident. Je sais pas, toi, Kevin, est-ce que tu avais vraiment préparé aussi la portion draft aussi intense que portion construite? Est-ce que ça occupe la même place de préparation? Est-ce que ça se fait aussi en équipe? Toi, ça a été comment? Ça? Moi, je pense que oui. On était un petit peu plus que Philippe. On était un nombre. Ce que je pense assez optimal, on était 10, mm-hmm. Philippe était 5. Donc nous, on était 10, on pouvait donc faire des drafts. On avait comme une genre d'horaire par jour où on essayait de faire au moins 2 à 3 drafts par jour. Donc on était 8 joueurs à faire des drafts et 2 joueurs qui regardaient les games et les drafts qui commentaient sur les décisions de chacun des joueurs. Puis on pouvait faire un briefing là-dessus, revenir à la gang. Ouais. Ça a vraiment aidé à apprendre le format. Je pense qu'avoir Magic Online comme outil, c'est pas nécessairement les meilleurs joueurs qui sont Magic Online, mais pouvoir comme jammer des drafts à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, n'importe quand, mm-hmm. juste pour pouvoir apprendre le format, les interactions entre les communes. C'est pas des interactions que tu apprends en joueur construit. Ouais. Fait que c'est des interactions que tu vois sur le tas. Des fois c'est clair, des fois c'est un peu moins. Je pense que moi ça m'a vraiment aidé, mais là faut que tu sois un plus gros groupe pour pouvoir faire ça. Okay. Non, c'est ça. En fait, c'est comme il dit, c'est vraiment, je pense que la meilleure façon, c'est de pouvoir être live au moins 8 personnes qui savent. Qui vont devoir drafter pour le proto, donc ils prennent ça plus au sérieux. Pas nécessairement que le reste du monde le prendra pas au sérieux, c'est juste qu'ils vont. Qu'ils savent qu'il faut qu'ils performent dans cette portion-là du tournoi aussi. Fait que ouais. C'est vraiment comme d'être live là, d'être 8 personnes, puis de pouvoir comme sharing nos expériences sur le draft qui sont jamais peut-être comme similaires, parce que des fois, comme chaque personne a sa propre vue du format ou de comme certaines cartes. Puis de pouvoir justement là, comme partager ça live, je pense que c'est assez pratique. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être mieux plus faire si je me qualifie, d'être justement plus, puis de pouvoir parler du format draft plus en profondeur. Mais sinon, c'est, pour ce qui est de standard, je pense que comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'est bien passé. Puis c'est quelque chose qui était de toute façon très, très mature. Ouais, c'est ça. En tant que format. Fait que... Ouais, c'est ça. On avait vu quand même pas mal de decks. On savait c'était quoi les archétypes, mais il y a quand même des archétypes dont Esper Dragon qui est émergé. Là. Mm-hmm. Ben, ce qu'on avait vu quand on testait justement, c'est qu'il y avait des decks comme qui étaient plus comme sur le radar, là, genre moi ce que j'ai joué, rouge-vert mid-range avec plus de dragons, c'est quelque chose qui venait de sortir avec Chrism Eater sur le Open Series. Sinon, Esper, on savait que c'était une chose, je veux dire, comme moi et Pascal, on a comme travailler sur une liste de Esper, parce qu'il y avait comme des listes qui sortaient avec des Narcelles, des trucs du genre, des Ulchers qu'on voyait qui étaient vraiment forts, mais on n'avait pas vu justement l'ampleur de la force de cette carte-là. C'est quelque chose qui est des fois dur à comme gauger quand on fait juste une coupe de partie, mais c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû plus pousser, là, mais c'est dur de justement de mettre le doigt dessus quand on regarde plusieurs choses en même temps. Fait que, non, c'est ça, exactement. C'est vraiment... Là où le goulot d'étranglement, c'est qu'il y a du temps. Ouais, c'est ça. Faut finir par décider un deck et après ça faire un plan. Pour toi, c'est un gros investissement de temps. C'est ça. Tout à fait. Ouais, la notion de temps, effectivement. C'est là où est-ce que s'il y a 16 joueurs dans ton équipe, t'as plus de parties qui se rentrent en simultané. Si t'as pas décidé ton deck le mercredi soir encore, comme un peu moi à mon deuxième pro tour, ben probablement que ça va pas super bien aller. Ouais, c'est ça. Hein? Parlant de ça, justement. On était le jeudi soir, juste avant le pro-tour, puis tout le monde est parti sur une go de... Il y avait Tom Ross qui avait spoilé son article sur Bent Heroic, il avait posté ça comme sur Twitter, puis il avait fait un article. Puis là, toute notre team était comme « Wow, c'est le meilleur deck sur toute la Terre, il faut qu'on joue ça ». Fait qu'on est parti sur le venue du pro-tour, puis on a acheté comme 4 copies de ce deck-là, parce qu'on était certain que ça allait tout briser. Puis c'est pas faux que le deck était mauvais ou comme qu'il était bon, je pense que c'était comme raisonnable, mais ouais. Le fait qu'on était comme si chambranlant que ça, une journée avant le pourtour, je pense que ça explique tout. Ouais, je comprends. Ça démontre que vous avez dépensé 1000$ en cas. Ben. Wow, ce deck-là est incroyable, il faut l'acheter. Mais c'est un petit deck. C'est un des decks qui coûte le moins cher à monter. Ça coûtait pas trop cher, puis on avait toute une base là, comme de ces cartes-là, mais on était quand même cherché tout ce qui nous manquait. Quand même. C'est ça. Puis pour revenir à ce que vous dites tout à l'heure, ce qui est grand drôle, justement, c'est que le proto, c'est un gros investissement de temps. Faut vraiment que tu mettes beaucoup de temps pour jouer, puis tout ça. Puis moi, je trouve vraiment très drôle quand le monde, comme on reparle, justement, de mon expérience, puis de mon voyage. Ben, tu sais, je fais comme, c'est pas vraiment un voyage. La plupart du temps, j'ai comme joué à Magic. J'étais avec des gars dans une maison, puis ben, c'est ça. on jouait. Je comprends. Dans le fond, le temps, ça pourrait être un peu n'importe où, finalement. On parle de c'est le fun quand c'est une belle destination, mais le temps que vous investissez à Magic est supérieur au temps que vous avez pour profiter de l'endroit, j'imagine. Ouais, c'est ça. Prendre une ou deux journées pour profiter de l'endroit, je pense que c'est assez important pour pouvoir avoir justement ce genre de trucs-là à compter, mais si t'as pas toujours le temps de le faire. Mm-hmm. C'est pour ça que je pense que quand les... par exemple. Voilà. Je pense que c'est pour ça que quand les gens vont à des places comme... Hawaii ou des affaires du genre, ben, ils prennent comme 2 semaines puis ils se donnent le temps de justement visiter au lieu de juste jouer. Je pense que c'est comme la bonne chose à faire, c'est de le faire par la suite, une fois que le tournoi est comme terminé là. Mais de t'offrir plus de temps puis de te dire que bon ben je vais en profiter pour pouvoir prendre des vacances en même temps, parce que sinon ça peut pas être des vacances là. C'est clairement pas une forme de travail, mais presque là, faut que tu mettes autant de sérieux que dans un travail, je pense, si tu veux réussir à ce niveau là. Ce niveau-là, c'est définitivement un travail. Oh. Ouais. Ça reste plaisant, mais c'est un travail. Ouais, un travail pour le fun. Oui, c'est ça. Puis... un travail très peu payant. ouais, c'est ça, effectivement. C'est pour ça que je pense que aussi le côté communauté puis passion du jeu doit être là, parce que c'est sûr que c'est pas pour l'argent que... Il faut que ça soit là. Pour pouvoir faire de l'argent avec ce jeu-là, il faut justement que tu sois peut-être dans les... 15 joueurs au monde qui sont platinum, ou que tu sois sur une streak, comme Menard en ce moment, tu fais top 8 de plein de grands prix. Il y a définitivement possibilité de le faire une fois que t'es connu, t'es sur un site comme Channel Fireball ou Star City Game, puis tu payes pour faire des articles. Tu peux vivre ta vie de ça, sauf qu'il faut que tu te prouves avant de pouvoir faire ça. Puis jusqu'à temps que tu aies une bonne série de résultats, mais c'est pas quelque chose que tu peux vivre off, clairement. Non, c'est ça. Non, parce c'est que tu vois, nous autres, on fait pas beaucoup d'argent avec cette balado-là. Nope. D'ailleurs, on est à la recherche de commanditaires. Voilà. Plugin. C'est ça. Bon, mais excellent, je pense que ça fait un beau portrait de ça a l'air de quoi, une expérience à un Pro Tour. C'est sûr que moi, j'irai jamais à un Pro Tour, ça va pas m'arriver. Puis c'est juste que je trouve que c'est vraiment un niveau. Moi, je regarde toujours les ou quand je peux, mais à peu près tout le temps les couvertures médiatiques de ces événements-là. Puis je trouve tout le temps que il y a vraiment. Il y a quelque chose d'incroyable de voir autant de gens de partout dans le monde qui arrivent pour jouer au même jeu avec la même passion, la même énergie. Moi, c'est une des raisons qui me fait vraiment triper à Magic, c'est le fait que, justement, peu importe tes horizons, peu importe le pays d'où tu viens, quand tu arrives à la table pour jouer à Magic, on parle le même langage, on a la même passion, puis c'est vraiment un jeu... que j'aime assez pour faire une balado. Pas payé. ce serait pas pareil sans cet aspect-là du jeu. Ouais. Définitivement. Ben messieurs, tant qu'il y a avoir du monde qui connaisse ça, Magic, on a une sortie de série bientôt. Puis là, toi, Kevin, tu t'en vas à Las Vegas jouer à ça, à Modern Masters 2. Mm-hmm. Je pense pas qu'on va faire un long segment pour analyser tous les archétypes possibles à Modern Masters 2, mais jusqu'à maintenant, si on fait un petit tour de table, là, puis vu que Renaud, à date, t'as pas parlé gros, je sais pas si toi, t'as quelque chose que t'aimes de Modern Masters 2, Phil aussi, Kevin... toi, tu as probablement déjà commencé à te préparer. Ça va être quoi ce format-là? Vers quoi on s'en va? Ça va-tu être... Souvent, dans des formats de limité, il y a comme deux possibilités. C'est un peu un format de prince, disons, ou est-ce que c'est comme les bombes qui vont dominer le format, ou plutôt un format dit popper, où ça va être plus la synergie entre les communes qui vont donner l'identité à la série. En ce moment, de ce que vous voyez, les gars, pensez-vous que ça va être un format qui va être dominé par des bombes, ou ça va être plutôt un format qui va falloir trouver les synergies entre les cartes puis monter vraiment plus à partir des communes? Vers quoi qu'on s'en va pour Modern Masters 2 comme série? Je sais pas si... Ben, puis Kevin, peut-être on peut commencer avec toi dans le fond de base, si toi t'as déjà... Oui, ben, y a pas de problème, j'ai commencé à regarder. La série sort vendredi prochain, donc vendredi prochain, on peut-être il va y avoir quelqu'un de nous qui va acheter une boîte, on va faire des drafts. Ouais, c'est ça, c'est tellement cher. Je crois que ça va être. Il va y avoir deux différents types, un petit peu comme Cans of Tarkir. Okay. Tu vas pouvoir, en sealed, avoir des decks 5 couleurs, ou du moins proche de ça, parce qu'il y a un excellent mana fixing dans ce format-là. Tu sais, il y a Evolving Wild, il y a des mirrors colorless qui font de la mana de toutes les couleurs. Mm-hmm. Il y a des lands qui sont excellents, les Bounce lands qui appellent les lands de le Ravnica original. Mm-hmm. C'est vraiment des bons lands qui te permettent de jouer moins de lands dans un deck contrôle, qui te permettent donc de jouer plus de bonnes cartes. Ouais. Donc, il va avoir ce genre d'aspect-là, ou sealed, où tu vas peut-être jouer toutes tes meilleures cartes, si tu peux te le permettre, avec la meilleure mana possible. Mm-hmm. Mais je pense que draft, ça va beaucoup plus être basé sur la synergie. On voit qu'ils ont essayé de pousser un thème dans chacune des paires de couleurs, que ce soit allié ou ennemi. Ils ont tout un thème, comme bleu-blanc, c'est artefact, bleu-rouge, c'est élémental un petit peu plus. Mm-hmm. Donc, ils vont tout sur un thème où il y a des communes qui ont vraiment une plus grande valeur dans le draft. Si tu en as une autre commune qui va bien avec, comme des élémentaires qui donnent plus un aux autres, etc., à des raretés comme Uncommon. Donc, je pense que ça va être probablement plus bomb-oriented en sealed, où tu vas jouer toutes tes meilleures cartes, tes meilleurs removals. Il va évidemment avoir. En sealed, tu peux pas contrôler quel genre de synergie tu vas avoir. Donc, tu peux avoir un deck blanc-bleu artefact complètement cassé en sealed, mais ça va probablement. Plus souvent qu'autrement, il va y avoir plein de gens qui vont faire « je vais jouer toutes mes meilleures cartes avec toutes mes meilleures couleurs, je vais m'assurer d'avoir des réponses à ton genre de bombe. » Puis en draft, ça va être un peu plus synergie. OK. Il n'y a pas de rare que j'ai regardé ou j'ai fait. Ben, il y en a, mais il n'y a pas comme Fate Reforge, mettons, si vous connaissez ça un peu, où pratiquement plus que le trois quarts des rares, tu ouvrais ton pack et tu prenais cette rare-là, tu ne te posais pas de questions. Mm-hmm. Ça sera pas ça, ce format-là, d'après moi. OK. Cool. Puis de voir si on prend sur un autre angle, parce que tu sais, vu que la série n'est pas sortie, on peut pas vraiment décrire tout ce qui va se passer. Mais si on le prend. Tout ça, c'est de la spéculation. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est super intéressant. Puis honnêtement, je trouve que ton point de vue m'apparaît vraiment juste. Puis si on prend la série sous juste son existence, le fait que ça existe, puis c'est quoi sa place dans Magic, puis tout ça, je sais pas les gars, c'est quoi votre opinion, parce que ça fait jaser beaucoup, il y a du monde qui disent que c'est n'importe quoi, puis que c'est juste une façon pour Wizards de faire plein d'argent, il y en a d'autres qui sont super contents parce qu'ils disent que ça va faire descendre le prix de cartes comme des staples dans Modern, et ça va permettre à plus d'accessibilité au jeu. Avez-vous une opinion sur ça? C'est quoi votre point de vue sur la place que devraient avoir les séries Modern Masters qui, on sent, vont probablement revenir, si c'est pas aux années, ou en tout cas au moins aux 2 ans, parce que de la façon qu'ils ont organisé ça, j'ai l'impression qu'ils veulent en faire une série qui va être plus redondante. Fait que je sais pas, Renaud ou Phil, avez-vous une opinion sur ça? Ben c'est vraiment dur à dire. Je veux dire, moi, j'ai autant une difficulté à évaluer ça parce que justement, ils mettent ça plus limité. J'en parlais beaucoup avec les gens durant la semaine et la semaine passée parce que c'est quelque chose qui est tout le temps bizarre parce que first, ils ont commencé à faire que le produit allait coûter plus cher pour les gens sans nécessairement avoir comme de backing pour ça parce que tu sais, en tant que manufacturier, t'as pas vraiment de raison de faire que ça vaille plus cher là, comme toi. Ça t'a beaucoup coûté plus cher pour comme créer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu essaies de vendre ça comme une expérience, comme quelque chose que tu vas faire, comme un draft avec, que tu vas faire genre comme une soirée avec comme 7 de tes amis, que ça va être plus huppé parce que tu sais, c'est quelque chose que tu peux faire chaque semaine parce que c'est quand même très cher. Un peu comme Conspiracy, mettons, quand c'est sorti un peu dans cette optique-là, où ça va être un one-shot deal puis c'est fini après. Puis, parce que j'ai vraiment de la misère à croire que ça peut faire baisser le prix de carte parce que. Tu fais ça comme une série qui est comme limitée. Puis comme quand c'est limité, first, ça va être plus cher. Les gens qui ont des magasins vont vouloir comme les vendre à genre un prix qui est plus élevé pour pouvoir en conserver plus longtemps, pour pouvoir comme en vendre plus longtemps. Souvent, ce que j'entends aussi, c'est des gens qui vont juste comme les garder chez eux le plus longtemps comme possible pour pouvoir que le prix comme de leur spéculer boîte spéculer sur le prix boîte, finalement voilà, pour que comme leur prix de boîte monte mais c'est pas ça justement qui fait comme que les cartes vont valoir moins cher je sais pas si c'est quelque chose que les autres gens avaient remarqué aussi mais quand tu vois le spoiler pour Masters 2 c'est certain que tu vois plein de cartes qui sont super comme intéressantes des cartes qui sont jouées en moderne qui sont assez rares qui valent super cher qui sont réimprimées mais moi ce que j'ai remarqué surtout c'est que c'était des mythiques toutes les mythiques on leur l'a vraiment bonne. Puis ça, c'est normal, mais Moi, ce que je pense que les gens ont pas remarqué souvent, c'est que des mythiques, tu vas en avoir deux, peut-être trois par boîte. Puis c'est pas qui va faire que tu vas repayer justement comme ton gros investissement de, je sais pas, 300-400$, parce que c'est vraiment ça que ça va coûter au monde. Puis ben les rares, c'est surtout ça que tu vas ouvrir, puis ils sont pas toutes très bonnes, là. Fait que moi, ce que je dis au monde, c'est pas de prendre ça comme du cash. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va faire que tu vas repayer ton hypothèque, parce que justement, comme la part des rares, valent pas leur 12$ du paquet, là. Mais c'est vraiment plus de l'acheter comme une expérience, de l'acheter comme « Hey les boys, on s'ouvre une boîte de Modern Masters, on la draft, on va avoir du fun, ça va coûter plus cher que d'habitude, mais c'est une soirée, puis on s'amuse quand même. » C'est parce que, tu sais, je travaille beaucoup comme dans ces domaines-là, puis pour 350$, ce qui est la boîte, ce qui est le prix comme d'une boîte, ben t'as presque ton deck moderne complet présentement, sans qu'il y ait justement là, de réimpression de cartes. Ouais, fait que si t'achètes du Modern Masters pour avoir des staples du format, t'as aussi bien de t'es acheter direct, puis te monter un deck finalement. Si je peux faire une petite parenthèse là-dessus, moi je pense que Wizard essaie de faire plaisir à tout le monde sans nécessairement... Genre, les gens veulent qu'il y ait un reprint, veulent que Tarmogoyf valent plus de 250$, mais en même temps, les gens qui ont déjà acheté leur Tarmogoyf à 250 ou presque, ben c'est vraiment un mauvais feeling de voir un set qui reprint Tarmogoyf mythique, mettons, mais que les packs valeraient 4$. Les prix de ces cartes-là chuteraient. Donc, ils veulent faire plaisir un peu au secondary market. Ouais. Mais en même temps, tu sais, le premier Modern Master a tellement été un grand succès que, tu sais, ils vont en faire d'autres, c'est sûr. Puis ça va encore valoir aussi cher que ça pour pas qu'il y ait des prix qui crashent complètement du jour au lendemain, qu'il y ait des cartes à 250 qui valent 3, qui valent genre comme 80. Mais ils veulent peut-être que 250 descende à 200 ou à 150, ce soit un peu plus abordable. Ils ont dit pour Modern Master 2 qu'il allait avoir beaucoup plus de printing de Modern Master 2 qu'il allait en avoir pour Modern Master 1. Mais nous, au donjon, on sait même pas encore comment on va le recevoir exactement. Fait que c'est quelque chose qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils vont le faire? On le sait pas. Mais tu sais, je suis d'accord aussi qu'il faut voir ça plus comme une expérience. C'est sûr que si tu achètes une boîte, tu la gardes, tu vas probablement être capable de la revendre au même prix que tu l'as acheté dans 2 ans, peut-être. Mais tu sais, rendu là, c'est de la spéculation aussi. Mais c'est ça, j'ai encore une boîte de Modern Masters 1 qui traîne, puis j'attends un jour où est-ce que je la drafferais. Je me vois pas la vendre. Là. Non, c'est ça, puis je veux la drafter un jour, mais ça presse pas non plus. Ouais. Ben, tu sais, mettons, moi, je donne un exemple d'un truc que j'ai fait, puis c'est ça, c'est vraiment l'équilibre entre jouer au jeu Magic, puis acheter des cartes pour un peu spéculer sur le fait de donner plus de valeur, tout ça. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai acheté une boîte de Conspiracy, on l'a ouverte, puis j'ai ramassé les cartes à la fin, puis j'ai garde, puis ça fait comme un genre de, disons, un cube, mais de Conspiracy, dans le fond, puis on peut le redrafter une fois par mois si ça nous tente, puis on a encore les cartes. C'est sûr qu'il y a le feeling d'ouvrir des bombes, puis tout le monde aime ça, ouvrir des paquets de Magic, c'est un peu... c'est un peu une loterie, là, on s'entend, il y a un peu ça aussi avec Magic, mais moi, je suis vraiment plus de mon côté de Modern Master, c'est plus, ben justement, on est 8 chums, on s'achète une boîte, on se fait une soirée un peu plus chère que d'habitude, mais qu'on va peut-être ouvrir une bombe, ça, le feeling va être super le fun, puis tout le monde va être bien content, puis en même temps, on va jouer un format qui, et ça, moi, personnellement, je vais mettre l'accent là-dessus. Moi, Modern Masters 1, je l'ai drafté juste une fois, mais ensuite, j'ai regardé. Gros du monde l'a drafté sur Magic Online. Et puis c'est un super format. C'était vraiment un beau format à drafter. Je sais pas si vous l'avez vraiment le fun. C'était vraiment le fun, c'est ça. Il y a des beaux archétypes. C'était bien pensé. Wizards n'ont pas juste sacré des cartes ensemble juste pour dire qu'on réimprime des Tarmogoyf. Ils montent une structure, ils montent un c'est même pas bon en draft Tarmogoyf. C'est la pire carte. Aussi. Aussi, exactement. Donc, c'est ça. Fait que tu sais, finalement, c'est le travail de Wizards aussi, c'est de créer un environnement de draft qui va être intéressant. Puis pour la première série, ils avaient réussi. J'ai hâte de voir la deuxième s'ils vont réussir. Mais moi, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Même si effectivement, ça fait un peu mal au cœur de dire ben, je peux pas m'acheter une boîte et être sûr de la repayer. Mais en même temps, c'est un peu ça le jeu aussi, tu sais. Je veux dire, je m'achète pas un jeu de Scrabble pour pouvoir le repayer. Tu sais, au sens où, à un moment donné, Magic, ça reste un jeu. Puis, tu sais, je veux dire... les ordres de grandeur sont pas les mêmes du tout. Là, mais... Non, effectivement, mais tu sais, moi, j'essaie juste... Au Scrabble. Mais je vais juste dire que finalement, ça reste que c'est un jeu, puis ça peut être normal que quand tu l'achètes, tu vas pas nécessairement être capable de revaloriser le jeu que tu as acheté nécessairement avec ce que tu as acheté, mais que tu peux quand même aussi jouer au jeu puis avoir du fun. Tu sais. Moi, c'est quelle lettre qui vaut le plus cher au Scrabble? W, c'est bon, c'est 10, mais je sais pas. C'est ça, 10 W? Non. C'est mon cul. Ah oui, c'est le cul. Oh. Wow. Ouais, tu fais peu d'interventions dans cet épisode-là, mais quand t'en fais, ils sont solides. Mais c'est ça. Fait que je voulais revenir à ce qu'on disait pour commencer. Ouais. Moi, je suis quand même content que Kevin nous ait parlé un petit peu du format draft parce que j'avais pas cette impression-là qu'il y avait beaucoup de synergie entre les communes, qu'il n'y avait pas beaucoup de thèmes parce que justement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de Grandmaster 1 où est-ce que t'avais comme des Talids, t'avais des artefacts, gobelins. Des gobelins. T'avais plein de comme tribe, t'avais plein comme d'archétypes de draft qui étaient comme bons à drafter. Puis j'ai peut-être pas regardé suffisamment, mais j'ai peu ce feeling-là quand j'ai regardé le spoiler pour Modern Master de 2015. Fait que j'avais un petit peu peur pour ça, mais bon. Je pense que ça va être un bon format, mais j'ai hâte de au moins faire une coupe de draft de Paratek, peut-être même pas avec des vraies cartes ou des proxy ou peu importe. J'ai hâte d'en faire une coupe. Mais je pense que là, c'est moins comme la synergie de tribe, comme gobelins, elves, etc. Mais plus la synergie de cartes ensemble. Comme quand tu joues un artefact, tu payes un, tu mènes un, tu gagnes la value là. Quand artefact, ça va être fort, je pense. Je pense que je peux plugger aussi de quoi. Pascal Menard a fait un article récemment sur Channel Fireball qui parle des archétypes de draft. Puis ça vaut la peine d'être lu. Je pense que On mettra le lien. C'est des grandes lignes, mais c'est quand même bien fait. Excellent. Good. Ben, merci les gars de ce petit segment. Je pense que ça va être. En tout cas, moi, c'est sûr que je veux le drafter au moins une fois. Là, j'avais un peu peur de pouvoir mettre la main sur une boîte, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, il va en avoir un peu plus. Fait que, donc, j'espère bien être en mesure de me procurer une boîte de Modern Masters. Du moins, c'est ce qu'on dit. Pour vous deux, chers joueurs. Ben, moi, je vais t'en réserver une là, à l'instant, Guillaume. Là. Ah ouais? Ouais, il y en a un ton nom là. Alright, merci Phil. Done. C'est gentil. Puis là, il y a quelque chose que il y a comme un secret bien gardé. C'est que dernièrement, les gars, vous avez fait un événement quand même ensemble. Vous étiez au même endroit. Vous étiez dans la ville reine du Canada, c'est-à-dire Toronto. Et vous avez passé plus de temps à l'aquarium qu'au Grand Prix. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, les gars. Lolon. juste avant, t'avais-tu une question, tu disais, Renaud? Ah oui, ouais, moi, avant de passer aux choses sérieuses. Ben oui. Cette semaine, vous jouez dans un tournoi standard. Qu'est-ce que vous jouez? Ouais, ben oui. La grande question. Peut-être Abzan Control? Ouais. Okay. Moi, je sais pas si elle pas mal aussi, en ce moment avec toutes les Je pense qu'elle split. Je pense qu'elle split est sur un sweet spot. Tu sais, le format, il y a clairement comme 4 decks qui sont tier 1. C'est Abzan Agro, Mono Rouge, Esper Dragon, puis. Là, c'est une autre version d'Abzan, que ce soit Megamorph ou Aggro. C'est clairement les 4 decks les plus joués avec le nouveau deck de Mardu. Je pense que tous ces decks-là, tous ces choix-là, ce sont des choix viables en ce moment. Okay. Puis, justement, moi, c'est un peu l'impact de Den Protector. Quand ça a débarqué dans Standard, j'ai comme fait « OK, boy, on a un nouveau poster, boy. » Il y a vraiment comme une nouvelle carte là, qui est à abattre. Puis finalement, c'est pas une carte qui est si dure à gérer, mais quand même. Fait que je sais pas, en ce moment, la metagame, vous pensez que c'est comme t'as pas le choix d'avoir un plan contre cette carte-là en particulier, ou bien c'est plus le tout puis les decks dans lesquels elle se retrouve qu'il faut que t'aies un plan général pour contrer ces decks-là de Megamorph, justement? Là. Je pense que la metagame s'adapte un petit peu justement à ça. Au départ, c'était Esper Dragon, c'est le meilleur deck, tout le monde joue Esper Dragon. Ah ben, turns out que des créatures récursives comme Deathmist Raptor puis Den Protector ensemble, c'est bon contre ce genre de deck contrôle-là. Fait que maintenant, le deck d'Esper Dragon, au lieu de jouer des Dissolve, il joue des Dissipate, qui est un counterspell qui exile des cartes que tu peux pas ramener avec Den Protector. Ouais. Même chose, il y a des decks comme Abzan Control qui ont recommencé à être joués parce que c'était pas nécessairement un bon deck contre Esper Dragon, mais c'est un bon deck contre un deck qui essaie de faire la genre. C'est un deck Abzan qui fait la même chose que les autres decks Abzan, mais juste un petit peu plus lentement. Mm-hmm. Donc c'est exactement le spot où tu veux être pour pouvoir gagner des games qui sont un peu plus grindy. Ouais. Puis toi, Phil, tu joues quoi? Ben moi, justement, j'ai pas pensé beaucoup à ça parce que first, j'avais pas d'événement qui s'en venait qui était en standard. Puis j'aimais ça juste prendre une pause, mais en tant que tel, je pense que j'aurais joué probablement Abzan Control parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup jouer. C'est mon genre de deck. Puis c'est quelque chose que justement j'avais pas pris assez en considération quand j'ai joué mes autres événements. Là. Je veux dire, oui, c'est sûr que Esper Dragon, c'est un très bon deck, mais c'est pas nécessairement le genre de deck que je joue d'habitude ou que genre j'aime jouer. Puis un deck plus mid-range avec des Siege Rhino, je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être plus eu de bons résultats avec. Là. Puis là, dans le fond, selon vous, est-ce que la metagame est pas mal cristallisée jusqu'à temps que Magic Origins sort? Dans le fond, là, on a un bon portrait. Là, il y a justement, là, tu as parlé de Mardu Dragon, qui est comme, c'est comme un nouveau deck qui sort un peu, qui est comme tier 1.5, je dirais, là, avec Esper, avec Mono Rouge, finalement. On dirait qu'à chaque semaine, il y a des decks qui s'en vont, qui reviennent à la metagame. Fait que je pense que c'est pas un format qui est super stale encore, qui a encore place, peut-être pas à innover, mais qui a encore place à réinventer des archétypes, comme récemment, dans Star City Game, il y a eu le deck CDC Whip, un deck CDC Réanimateur qui a gagné. Ça faisait un mois, deux mois qu'on n'avait pas vu ce deck-là. Il y avait un deck de dévotion qui recommençait à bien faire. C'est les decks qui existaient, mais qui n'avaient peut-être pas nécessairement eu des updates avec Dragons of Tarkir qu'on n'entendait plus parler, puis qui recommencent à bien faire. Fait, ça va un peu en cercle. Esper Dragon se fait battre par Abzan Megamorph, se fait battre par Abzan Control. Puis là, il y a des decks qui essaient de s'infiltrer puis de trouver leur spot. Je pense que Standard, c'est un format qu'il faut que tu dises, OK, cette semaine-là, qu'est-ce que je pense que les gens vont jouer? Puis c'est un format qu'il faut que tu prennes de semaine à semaine et que tu essaies de trouver ton spot dans la metagame parce qu'il y a tellement de bons decks. Il y a des decks qui sont meilleurs que d'autres, mais c'est souvent un metagame call, les tournois Standard, comparément où tu peux juste jouer le meilleur deck en moderne n'importe quand. Tu sais, en Standard, il faut que tu prennes le meilleur deck pour le tournoi. Ah, puis ça, c'est ce qui fait que c'est dur de jouer Standard, honnêtement, au sens où moi, mettons, je me montre des cartes, ça te prend une grosse base de cartes où il faut qu'avec le monde dans ton entourage, tu sois vraiment prêt à échanger des cartes pour monter des decks puis se prêter des decks, parce que c'est fou comment ça peut finir par coûter cher comme format. Pas parce que toutes les cartes valent cher, mais crime à cause du fait qu'il faut que tu en aies des cartes pour faire ça. Donc c'est vraiment, moi j'aime ça parce que c'est varié, on veut toujours... T'sais, c'était un peu plate de regarder une saison, mettons quand c'était les decks de dévotion bleue puis noire qui dominaient, c'était un peu plate de regarder les événements parce qu'il y avait comme deux decks. C'est ever avoir ce genre de metagame. Ben non, c'est ça, c'est vraiment plate. Puis d'un point de vue d'un joueur, ben au moins ça faisait que ton deck était bon longtemps, t'sais, mais c'est fait que... sauf que j'aime bien mieux une metagame variée, intéressante à jouer puis à regarder que d'avoir quelque chose qui est trop stable puis plate. Là. Toi Renaud, tu joues encore Hey Renaud, petite parenthèse, attends un peu. Une petite parenthèse ici. Oui, j'ai vu... gagner le PPTQ moderne au Hobby Games. Ah, yes! Oh, yeah! Les gens en parlent. Oui, c'est ça. Ils viennent m'en parler. Il y avait ma pile entre les mains. Il jouait moderne, il était 44 joueurs. Puis il a comme tout gagné. Il a fait comme X0 dans deux draps, puis il a gagné tout son top 8. Là. Puis il est bien content. Parole. J'ai travaillé toute la nuit comme surveillant. Grégory et Gab Bourget sont venus me chercher. J'ai dormi 0 minute et j'ai tout gagné. C'est excellent. Un bon travail. C'est bon travail. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ouais. Classique. Ouais, c'est ça. Quand t'es le plus relax, tu sais, je fais mes petites affaires, je suis pas trop stressé. Finalement, c'est là que ça se passe. Fait que là, finalement, là, ça veut dire que Raphaël est qualifié pour le prochain PTQ régional. Toi aussi, Kevin, t'es qualifié. Fait que vous allez vous rencontrer. Est-ce que, toi, Phil, c'est quand tes prochaines options pour pouvoir pour retourner sur le Pro Tour? Moi, j'ai comme une saison morte présentement parce que, ben oui, vu que j'ai fait top 8 du dernier régional, je suis qualifié pour le prochain qui est comme le 26 juin. Le 26 juin, shout-out, il y a Maxime Bélanger qui se marie. Ah! Je suis un garçon d'honneur à son mariage. Okay. Fait que y a pas question là, qu'on aille le matin chercher des comme Liana avec un café puis qu'on revienne. Là. Non, y a aucune manière que ça va se passer. Il peut pas aller se marier dans le même hôtel que le PTQ régional, non? Je pense pas. Non, okay. Moi, je suis super content pour Max, mais ça va me faire un filet passelin de moins à bateau RPTQ. C'est ça. C'est bon, ça. Mais quand t'es qualifié pour le prochain, c'est tout? Ou bien tu pourrais aller à un autre ultérieur ou non, c'est le prochain? C'est vraiment le prochain, en fait. Ben, okay. C'est ça que... On essaie de voir justement avec les autorités. Là, puis ce qu'ils nous ont répondu, c'est qu'ils essayaient de voir à ce que le système soit plus flexible pour les gens qui se qualifient. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça. Tu te qualifies pour celui-là. C'est un empêchement durant la date que c'est dû lui. Mais tu peux rien faire pour reporter ça. Là. Ouais. Okay. Il faut que je me qualifie via un PPTQ pour le prochain. Il faudrait que ce soit un genre de système où il y en a comme... Tu peux seulement en faire un dans une saison, mais il y en a comme... Un à cet endroit-là une fin de semaine, un à cet endroit-là une autre fin de semaine peut-être. Mais... Okay, c'est encore un système qui est en train d'être retravaillé. Je pense que c'est pour le mieux encore. Puis c'est mieux que le système qu'il y avait avant. Donc, il faut leur laisser du temps pour trouver une manière optimale de faire ça. Wow. Ça arrive à notre segment, la question de la semaine. Dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle formule de PPTQ. Ouais, c'est ça. Ben ouais, on pourrait dire ça, mais avant, Renaud, je veux la faire ma parenthèse parce que à l'épisode, on a comme parlé, à la balado, on a parlé un moment donné, tu faisais un deck bent avec un combo infini, là, avec les sages de l'heure. Mais j'ai vu. En fin de semaine, là, j'ai oublié son nom, mais c'était. Il y avait le Magic Online Championship, là, c'était en fin de semaine, ça. Le Mox. Et il y a. Là, j'ai oublié le nom du joueur, puis c'est un joueur important là, qui il s'est qualifié pour. J'ai pas suivi là, les finales, là, il s'en allait en demi-finale, mais c'était un excellent joueur de magie. Puis il faisait le combo infini avec Adjani, puis. Il y avait quoi? C'est avec des tokens de Elspeth. Là, il faisait ton combo d'infinité, mais sans le sage des heures. Fait que j'étais là. Ah, Renaud serait heureux de regarder ça puis de voir des combos infinis avec Adjani. Fait que je voulais juste te le dire. Fait que tu regarderas ça, OK? C'est bon? D'accord. D'accord. Maintenant, on peut passer à la question de la semaine. Je vais faire un nouveau segment. Je vais faire une petite tune pour ça. La question de la semaine. Mais je vais le faire pour vrai, par exemple. Des petits jingles de section. Fait que Renaud, c'était quoi ta question de la semaine? C'est quoi de quoi qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle formule? À propos de la nouvelle structure de PPTQ, ça nous fera plaisir d'en parler lors d'un épisode ultérieur qui portera strictement sur la nouvelle structure de PPTQ. Ouais, mais moi par exemple, je suis content d'entendre Kevin t'a dit qu'il est vraiment mieux qu'avant. Donc selon toi, la nouvelle formule, c'est sont sur la bonne voie, puis c'est mieux que quand c'était fallait que tu gagnes un PTQ pour j'aimais les deux manières, mais je pense que Magic c'est un jeu surtout récemment, qui a gagné en popularité encore et encore. Mm-hmm. Moi, quand j'ai commencé à faire des PTQ, c'est des PTQ entre 80 et 120 personnes. Mm-hmm. Vers la fin du vieux format de PTQ, j'ai déjà fait un PTQ de 300 personnes, puis j'en ai entendu parler de PTQ de 450 personnes. Ouais. Dire que pour te rendre au proto, il faut que tu gagnes un tournoi de 450 personnes, c'est complètement ridicule. Ouais. Fait que je pense que c'est une formule qui marchait bien pour avant, quand les tournois étaient un petit peu plus... pas des tournois de 10 rondes où rendu là c'est carrément de la chance si tu fais top 8 ou non. Ouais, ouais. Juste le fait que le jeu soit devenu plus populaire, ça a comme rendu obsolète un petit peu le vieux format. Je pense qu'en ce moment ils essaient de travailler justement où faut pour réduire ces tournois là puis rendre le tout plus fluide, ouais, pour se qualifier. Puis là vous êtes allé à des pro tours qualifier régional. C'est quoi le c'était des beaux tournois, c'était le fun. Une fois que c'était avec du monde qui se sont tous qualifiés pour être là, le niveau était bon. Est-ce que ça ressemblait au niveau des PTQ d'avant? Le niveau est un peu mieux, ça avait l'air de quoi? Moi j'ai pas fait le dernier, fait que je pense que Phil va commenter là. C'est ça, ben en fait le niveau est assez élevé. Tu vois déjà que quand quelqu'un doit se qualifier via un tournoi qui est entre comme 30 ou 50 personnes, c'est un joueur qui a quand même beaucoup de bon sens. Fait que c'est ça. Une fois que tu te rends là, c'est des joueurs que. Oui, tu me reconnais souvent, mais tu te rends compte que c'est juste comme des bons joueurs. Il n'y a comme pas personne qui a aucune chance de gagner ça, là, parce que justement, c'est des joueurs qui sont plus habitués, des joueurs que justement tu voyais souvent dans les top tables de comme vrai PTQ. C'est tous des joueurs que tu sais là, qui ont une chance de faire top 8, de faire top 4. Puis c'est sûr que c'est pas aussi facile comme qu'avant, parce que justement, tous ces joueurs-là, ils ont comme une chance. Mais ça me semblait plus soft, plus simple qu'un ancien comme PTQ, parce que justement, il y a comme moins de personnes. Puis, t'avais juste comme... Je pense que c'est beaucoup plus simple faire top 4 d'un tournoi à 45 personnes que faire top 1 d'un tournoi à 200 personnes. Ouais, c'est ça, parce que comme au final, d'un vrai PTQ, est-ce que t'as comme 150 personnes minimum, ben, faut quand même que tu fasses travers comme ces mêmes personnes-là. Mais comme après genre comme 4 rondes, c'est-à-dire que tu sais, je pense que dans un tournoi comme normal de 150 personnes, genre après comme 4-5 rondes, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent comme en haut souvent. Ouais. Mais ça veut dire que t'as comme moins besoin justement là, d'avoir comme une streak parce qu'il y a rien qui s'est mal passé durant tes 4 premières rondes. Ouais. Pour que tu puisses te rendre genre dans le top 45 là. Excellent. Ben écoutez, messieurs, sur ces sages paroles, merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cet épisode de Magic 101. Je pense que ça a été vraiment intéressant de faire un portrait de deux joueurs québécois qui jouent à Magic au plus haut niveau. Puis moi, en tout cas, j'ai appris bien des affaires, puis je suis bien content d'avoir fait ta connaissance, Kevin. Puis Ben en ayant le plaisir d'aller me faire détruire dans un événement un de ces jours par toi ou Philippe ou Renaud aussi. J'entends t'as fait des passes. Ouais, c'est ça. Ok, ben les gars, y a-tu, voulez-vous dire, peut-être, je sais pas, si on peut-tu vous suivre sur Twitter, vous avez-vous un Twitter de joueur, y a-tu un endroit qu'on peut, je sais pas, suivre si vous écrivez des articles, ou sinon on fait juste dire bye-bye, puis à la semaine prochaine. Je sais que moi, je me suis rejoint à Twitter. J'appelais ça Guillaume barre de soulignement BM101. Comme ça, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui sont sur Twitter, vous pouvez m'ajouter puis on pourra discuter des épisodes là-bas. Mais sinon, Renaud, t'as-tu un Twitter? Oui, R. Giraldo. Excellent. Kevin, t'es-tu sur Twitter, toi? Ou? On and off, j'ai pas vraiment de Twitter officiel. Okay. Donc, me suivre, m'ajouter sur Facebook, ça me fait plaisir de parler de Magic à n'importe qui, n'importe quand. Sinon... On se croise dans les événements. Sur Facebook, se croise dans les événements. Venez me parler, ça fait plaisir de parler du format ou peu importe. Cool. Puis Phil? Allez voir Kevin, c'est un bien bon gars. All right. Sinon, ben merci, moi, c'est ça. Là. Sur Twitter aussi, Félas. All right. Good. Ben, mais, les gars, merci. Puis en espérant vous recevoir à l'émission une prochaine fois lorsque vous aurez fait le top 8 d'un Pro Tour. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Puis pour nous, Renaud. Pas de pression, Bob. Hein, quoi? Pas de pression. Pas de pression. Ben non, mais à chaque fois que les joueurs viennent à Magic 101, d'habitude, il se passe des bonnes affaires pour eux. Moi, je suis sûr qu'on est un porte-bonheur. Mais bref. C'est bon, ça, parce que s'il se passe des bonnes affaires pour moi à Las Vegas. Ouais. Je le sens, mais ouais, excellent, cool. Fait que bonne semaine, les gars, puis Renaud, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous. All right, ciao. Hey, salut, c'était cool d'être venu.